L'Association générale des Coréens en Chine a publié le 5 une déclaration contre les manœuvres de disposition de SAD des États-Unis et des autorités sud-coréennes.